marche. Voilà, donc vous allez voir un côté un petit peu scolaire ou didactique. On va faire ça à deux voix. Moi, je vais vous présenter d'abord un thème dont le titre est projeté sur l'écran. C'est pourquoi aujourd'hui, dans la régulation financière, dans la surveillance du système financier, ce serait important de prendre en compte la performation. Et on verra en fait ce que je mets derrière cette idée de performation et de surveillance. Et puis, dans un deuxième temps, Michel reprendra cette question de performativité pour voir aujourd'hui où on en est. Ce sera l'occasion après d'ouvrir un débat sur ces deux thèmes qui auront été exposés aujourd'hui. Alors, cette communication s'appuie sur un article publié l'année dernière dans la revue d'économie financière, la REF, et qui aurait dû être, mais qui sera, mis en ligne dès que possible sur le blog de la chaire. Vous aurez l'article qui est le texte sur lequel je m'appuie pour faire cet exposé. Donc voilà à peu près le contenu de la séance. Ça va être un tout petit peu didactique, mais en même temps, encore une fois, c'est l'occasion de revenir et de reprendre de manière systématique ces notions dont on parle depuis plusieurs séances, un an et demi. Voilà, alors en introduction, ce qui frappe dans le discours ambiant sur la crise économique et financière, là je pense plutôt à la crise financière de 2007-2008, sur ce qu'on entend comme analyse des causes et sur la plupart en fait des commentaires qui ont été faits et qui ont été repris, et je pense au rapport de la commission d'enquête créée en 2009 par Obama aux États-Unis, c'est une analyse comportementale des défaillances économiques et financières. Autrement dit, une analyse par des comportements d'acteurs estimés inappropriés, déraisonnables, nuisibles, nocifs, voire injustes, cupides, avides, intéressés. La liste est longue, mais c'est l'idée. Je vous cite un extrait très court du rapport de la commission d'enquête Obama. La crise a été le résultat d'actions ou d'inactions humaines, pas, dit ce rapport, celui de modèles qui auraient déraillé. Donc une prise de position forte. On dit les modèles ne sont pas en cause. Les modèles, au sens large, n'ont pas déraillé. C'est le terme déraillé du rapport. La crise a été le résultat d'actions ou d'inactions humaines. Et de fait, il ne s'agit pas d'exclure de l'analyse de la crise ces actions ou inactions humaines. Et le 14 mars prochain, j'en profite pour faire une annonce, dans le cadre du séminaire, il y aura la projection du film Inside Jobs, suivi d'un débat avec un économiste américain, William Black, un magistrat français, Jean de Maillard, et d'autres personnes, et le film montre bien comment il y a eu de fait des actions et inactions humaines qui ont été, à mon avis, peu raisonnables. Donc il ne s'agit pas d'exonérer les comportements en disant au fond qu'il n'y a pas eu de problème comportemental dans cette crise, mais c'est plutôt de voir que cette approche qui est la plus répandue, on dirait une approche d'indignation, de dénonciation, d'accusation, cette approche n'est pas complète. Et ça me paraît important de m'arrêter là-dessus, parce que ça va être le thème justement de la séance d'aujourd'hui. Elle n'est pas complète parce que elle ignore quelque chose qui pourtant paraît intuitif quand on regarde un peu qui sont les acteurs, c'est que la gestion financière ou les actions humaines sont des pratiques professionnelles qui sont instrumentées. Les gens ont des équipements, au sens très large. C'est quoi un équipement? C'est une procédure, un tableau de bord, un logiciel, une organisation. On va voir ça en détail plus longuement après. Au sens large, des outillages techniques et mentaux qui les amènent à agir comme ils agissent. Et donc, au fond voir que dans ces actions ou inactions humaines, les actions étaient le fait d'individus équipés. Et la question se pose de se demander si par hasard, en plus de ce qui a été bien mis en évidence dans ces rapports divers sur la crise, il n'y aurait pas aussi une influence des équipements sur les comportements. Est-ce que les équipements n'auraient pas accentué des comportements déraisonnables, ou les freiner, vous voyez ? C'est comme si vous mettez, là en ce moment c'est l'hiver, il y a beaucoup neigé, si vous voulez faire du ski, vous mettez des skis de 2 mètres freestyle pour aller sur une piste facile, je pense que vous allez plus vite que si vous mettez des skis de slalom de 1 m 60 qui sont à taille ou à quart étroite. Donc là l'équipement a un impact sur la vitesse. Vous voyez. Bon, comparaison n'est pas raison, mais voilà, la question se pose en fait des équipements. D'autant plus que ces outillages techniques et mentaux sont supposés rationnels. Et construit rationnellement, avec des techniques, une technologie, en particulier les mathématiques, surtout pour la finance. Vous voyez, donc la question se pose comme ça. Au fond, ces outillages ont-ils eu un effet ? Il y a toute une technologie, cette technologie en fait de gestion qui équipe les acteurs, a-t-elle été neutre dans l'affaire de la crise économique et financière ? Et la réponse est que ici, nous ne pensons pas que cette technologie soit neutre. Et donc, que ça vaut la peine d'examiner de près cette technologie, en fait, de gestion. Bon, beaucoup de travaux ont montré, mais on va y revenir par la suite, qu'on peut assister dans beaucoup de situations à ce que ces outils de gestion déterminent, presque conditionnent, en fait, l'action de ceux qui dirigent, de ceux qui en fait ont des décisions à prendre. Et donc ce qu'il faut, c'est rechercher comment en fait le commandement, en fait l'action humaine, sont équipés et influencés ou conditionnés ou déterminés ou détournés par cet outillage de gestion, les outils de gestion. Et vous voyez, je donne comme exemple structure de poste, évaluation, logiciel, tableau de bord, tout ce qui tourne autour de l'équipement en fait quotidien de celui qui décide et qui a à faire à prendre en fait des décisions en matière d'investissement, de contrôle des risques. Une des caractéristiques des outillages techniques de la gestion financière, de la finance, c'est qu'ils concernent la mesure, l'évaluation et le contrôle des risques. Et de fait, on pourrait dire que la finance est essentiellement une activité dont le but est de contrôler, mesurer, quantifier des risques. Risque de crédit, risque de placement, risque de change, etc. Et en ça, on a pu dire par exemple que la finance était une filière scientifique et industrielle du risque. Je prends les termes de Michel Harmat en 2009. Et par le terme filière, ce que veut dire Harmat, c'est une activité au fond, au sens très large, qui met en œuvre à la fois des idées sur la mesure de risque, des idées, des théories à l'intérieur du portefeuille, des modèles mathématiques, des mécanismes, des procédures d'intervention et d'institutions. Vous voyez, des idées, des théories, des modèles, des mécanismes, des institutions. Et donc cet équipement, cet outillage, en fait, auquel on va s'intéresser aujourd'hui, il est en grande partie composé avec des images, des représentations du risque. Comment est-ce qu'on se représente le risque et quelle est l'influence de ces représentations de risque sur les décisions. Et donc, c'est l'axe un peu de l'exposé qui va être fait, se demander comment est-ce que cet outillage sur le risque va venir aggraver ou amplifier des comportements qui ont été ou non déraisonnables. Alors, deux possibilités, soit l'acteur est cupide et avide et l'outillage lui permet d'être encore plus cupide et avide, soit le contraire, sage et raisonnable, et l'outillage l'embarque dans une direction d'avidité. Beaucoup de gens sont très sages et très raisonnables, et ont conduit leur fonds de retraite ou leur fonds de cours à des pertes importantes, voire à des faillites. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Voilà, donc on va le voir en quatre parties. Alors, je ne suis pas en général très favorable aux transparents, parce que souvent on les lit et du coup il y a un côté un peu distrayant. Mais finalement, ça peut être commode d'avoir aussi le plan. Donc, finalement, entre les deux, j'ai balancé et je me suis dit, bon, on fait les transparents. Ils seront aussi mis en ligne sur le site, sur le blog du séminaire. Alors, est-ce qu'il y a une flèche? Ça marche, voilà. Oui? Est-ce qu'on pourrait vous poser des questions? À quel moment vous voulez qu'on vous Alors, pose des questions? plutôt à la fin de l'exposé. D'accord. Oui. Et après, on ouvrira un débat général. Voilà, donc on va avoir quatre points. Qu'on appellera, vous verrez pourquoi, le logos financier et la rationalité calculatoire. On verra comment ce logos financier performe, c'est-à-dire met en forme les pratiques professionnelles. Puis, comment cette technologie de gestion est d'autant plus dangereuse en fait qu'elle n'est pas visible. Et donc, autrement dit, on n'a pas une connaissance intuitive. Et pour la voir, il faut arriver à la détecter, voire à la révéler. Et enfin, les conséquences de ce qui aura été vu sur la régulation financière et la surveillance du système financier. Alors, on parle aussi d'effet réflexif des modèles. C'est un anglicisme. Ce qu'on veut dire, c'est que des modèles donnés, ça peut être modèle d'équilibre, modèle d'arbitrage, tout ce qu'on veut, des modèles se reflètent dans les pratiques. Et on dira qu'il y a un effet réflexif des modèles au sens où les pratiques professionnelles reflètent comme en miroir des modèles qui les conforment. Et là aussi, on voit que ce sur quoi on insiste, c'est le rôle des théories, des modèles, des énoncés, des idées, des concepts dans les pratiques. Et c'est en ça qu'elles sont instrumentées. Elles reflètent quelque chose de conceptions abstraites qui ont été forgées très loin de ces pratiques, même si après, il y a des allers-retours entre pratiques et théories. Donc voilà, grosso modo, le plan de l'exposé. Alors, commençons par la notion de rationalité calculatoire. Au fond, qu'est-ce que c'est qu'un outillage? Qu'est-ce qu'on appelle un outillage technique ou mental? Qu'est-ce que c'est qu'un outil? Comment on définit dans une entreprise au sens large, pas forcément financière, un outil de gestion? Un outil de gestion, en fait, c'est, on va dire, quelque chose dont le but est de produire à la fois un cadre pour l'action des gestionnaires et en même temps un cadre unifié pour unifier l'action qui va être celle prise par les acteurs d'entreprise au sens très large, pas forcément financier. Là, on est en train de parler d'un cadre général avant de l'appliquer à la finance. Donc, les cadres de l'action, d'une part, vont prescrire les formats de l'action, ça veut dire comment est-ce que l'action va s'organiser, et deuxièmement, vont aussi l'unifier, c'est-à-dire que les décisions qui vont être prises le feront dans un contexte, au fond, de rationalité qui correspond au projet rationnel qu'on trouvait chez Max Weber, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à scientificiser, rationaliser les pratiques gestionnaires. Alors c'est clair, c'est une vision en fait de l'entreprise qui évacue complètement des conflits entre services, des rationalités bureaucratiques, des enjeux qui sont liés aux intérêts. Mais ce qui reste en fait d'unifié dans une entreprise, ce qui peut apparaître comme unifié, résulte de ces outils de gestion, au fond qui sont une sorte de structuration de ce qui se passe dans l'entreprise, même si encore une fois, ça n'évacue pas évidemment l'existence de conflits entre services ou entre départements. Alors, des exemples très connus, cités par beaucoup de travaux sur le sujet, sont ceux des entreprises de gestion intégrée, les ERP, ou entreprises ressources planning, ou j'en ai d'autres. L'idée, voilà, l'idée, c'est que quelque chose essaye de structurer l'action collective dans l'entreprise et que l'outil de gestion donne un cadre à cette action et en même temps l'unifie. Autrement, dans cette conception, ce qu'on voit, c'est que l'outil de gestion est au service d'une règle rationnelle, et en ça, on peut dire que, à nouveau, on a un objectif de rationalisation des pratiques gestionnaires, le projet rationnel. Alors, ce qui a été appelé justement logos gestionnaire, c'est cette idée de quelque chose qui parle dans l'entreprise, une parole qui performe, une parole qui met en forme, un logos créateur. Et donc le projet, en fait, gestionnaire, si l'on prend ces trois dimensions qui sont maîtrise, performance et rationalité, autrement dit, à la fois un principe qui organise les pratiques professionnelles et en même temps un discours qui les justifie, le principe organisateur et le discours qui les justifie, ce projet gestionnaire est un logos au sens où il met en forme les pratiques professionnelles. Alors, ce discours peut revêtir plusieurs formes. On peut avoir des productions écrites, par exemple des règles de placement, de dispersion des risques, des règles d'investissement, des règles de contrôle des risques. On peut avoir également des règles, des productions qui sont orales, un discours, que doit être une bonne gestion d'une caisse de retraite, quelles sont les règles qu'il faut suivre pour être un bon gérant ou être un bon contrôleur des risques ou trouver des calculs de fonds propres adéquats ou leur technique. Là, pardon, c'est ces techniques, souvent des règles de calcul de fonds propres. Oui. Trois types de production, écrite, orale ou technique. Donc, le logos gestionnaire, c'est quelque chose qui décrit la manière dont une entreprise s'est progressivement structurée et rationalisée sous l'impulsion d'outils courants des années 60-70, dont l'histoire maintenant est bien connue. Et on applique cette notion qui existe en gestion à la finance. Et là, j'ai proposé d'appeler logos financier, en fait, le logos gestionnaire appliqué aux entreprises financières. En fait, la transposition du logos gestionnaire dans la finance, que j'ai suggéré d'appeler logos financier. De la même manière que le gestionnaire, le logos financier sera une parole structurante qui va s'incarner dans des dispositifs de gestion financière. Donc voilà pour la notion de rationalité calculable, le projet rationnel du logos gestionnaire. L'outil de gestion comme étant un élément qui structure l'entreprise du point de vue d'une rationalité recherchée et qui unifie le cadre de l'action, l'influence de l'outil de gestion sur le cadre de l'action. Donc si maintenant on passe à la finance, donc le logos financier, en fait la praxis financière, les pratiques des professionnels vont de la même manière que celles gestionnaires se retrouver mises en forme par ce logos financier qui va parler de manière structurante dans l'ensemble de ce qu'on observe aujourd'hui dans les banques, assurances, gestion d'actifs. En pratique, on va retrouver ce logos financier dans un dispositif de gestion, c'est-à-dire les reporting, les règles de placement, les calculs d'évaluation, tout ce qui tourne autour de la gestion, au sens large, donc de son dispositif. Dans les pratiques de surveillance et de contrôle, comment est-ce qu'on conçoit le contrôle des risques, comment est-ce qu'on le pense, comment est-ce qu'on le met en œuvre, comment est-ce qu'on le vérifie. Donc là aussi, le logos financier parle dans le contrôle des risques, dans les normes aussi financières, les normes comptables évidemment, je pense aux normes IFRS et la norme IAS 39, dans les normes prudentielles, et là je pense à Bâle 3, Solvabilité 2, UCITS 4, qui sont les trois domaines concernant les banques, assurances, gestion d'actifs. Donc là aussi, les normes financières, on peut montrer que les normes financières sont très irriguées, imprégnées par un logos financier particulier. Alors ce logos, cette parole, qu'on disait au début, concerne la manière de comprendre en fait le risque. Et ça c'est le point très important, c'est au fond, la structuration des pratiques financières se fait à partir d'une manière particulière en fait de penser le risque financier. Et réciproquement, selon les manières de penser les risques, il y aura telle ou telle manière de conformer les pratiques professionnelles via l'intermédiation des outillages techniques et du logos justement gestionnaire appliqué à la finance. C'est-à-dire que les cadres de l'action vont être structurées par une manière de se représenter en fait le risque financier. Bon, ce qu'on voit, c'est que cette parole, ce logos, va produire une culture spécifique du risque. Une culture de risque, comment est-ce qu'on va avoir une connaissance commune de ce qu'est la notion de risque en finance. Aujourd'hui, on parle de la volatilité, est-ce que c'est fondé ou non? Voilà un exemple. La volatilité, c'est un risque à tort ou à raison. Et ça va produire, au fond, un savoir partagé entre tous les acteurs qui vont se comprendre. Ils vont parler la même langue, le même langage, entre les gérants, les multigérants, les contrôleurs de performance, les analystes financiers, il y aura le même langage. On parlera de bêta, de MEDAF, de primes de risque, de taux coupon zéro, etc., etc. Ça crée un langage commun. Ça crée un savoir partagé. Les gens se comprennent. Et ça crée des manières communes de comprendre le risque. On dirait la volatilité est de temps, temps. Ou alors la valuatrice est de temps, ça vaut temps. On crée quelque chose de l'ordre d'une culture spécifique du risque. Or, cette culture du risque, aujourd'hui, même si la question est très controversée, c'est pour l'essentiel la culture de l'école américaine du risque. C'est-à-dire une manière particulière de penser les risques à partir d'une hypothèse probabiliste sur des processus aléatoires qui sont grosso modo issus du mouvement brownien. Pour faire très court, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on en parlera si vous voulez dans les débats. Bon, l'école américaine du risque, ça consiste à considérer que les quantités financières ou économiques évoluent de manière graduelle. Ça veut dire sans grand changement. Selon un principe qui remonte au moins à Leibniz, je vous cite le principe de Leibniz, « Natura non facit saltus », « La nature ne fait pas de saut ». Le principe leibnizien qu'on retrouve chez Marshall dans les Principles of Economics, où Marshall affirme le principe leibnizien en promeuvant en économie le calcul différentiel pour l'évolution régulière et graduelle des quantités qui vont être modélisées. Évidemment, la pensée néoclassique, la synthèse néoclassique, reprend ce principe de gradualité, et donc de continuisation. Et évidemment, la finance moderne, qui est en fait américaine, post-année 60-70, s'inscrit dans ce contexte d'une école de pensée dans lequel les variations sont continuisées. Donc il n'y a pas de choc, il n'y a pas de saut, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas de discontinuité. Et je vous cite de mémoire Greenspan disant, dans un de ses discours au moment de la crise, « Nous ne pourrons jamais anticiper toutes les discontinuités des marchés financiers. » Ça, c'est une pensée, en fait, ou un énoncé, qui renvoie une philosophie naturelle ou naturaliste, leibnizienne, selon quoi la nature ne fait pas de saut. Donc, ce qu'on pourrait dire, c'est que l'école de pensée ou l'école américaine du risque ou la culture américaine du risque, c'est une manière de considérer des variations graduelles, régulières, lisses, des quantités économiques ou financières. Ce qui est intéressant, c'est que, alors qu'au XXe siècle, la physique microscopique, la quantique comme on dit, microscopique, a abandonné cette continuisation pour passer dans le discontinu, avec évidemment les états quantiques, alors que la génétique l'a abandonné pour les évolutions, les ruptures dans les évolutions des populations, l'économie l'a maintenu. Autrement dit, alors que deux disciplines importantes des sciences décidaient de quitter le principe leibnizien, l'économie le maintenait et la finance l'ignorait. Les prix Nobel de finance, Black, Scholes, Merton, et leurs successeurs, Markowitz, ont construit des modèles sur une base de principes leibniziens, de continuisation des trajectoires. Pas de saut, pas de rupture, pas de choc, en fait. Natura, financière, non facit saltus. Voilà. Ça, c'est, on va dire, l'école américaine du risque, parce que, parallèlement à ça, d'autres travaux existaient ailleurs qu'aux États-Unis, qui ne reprenaient pas ces principes, mais ils n'ont pas été utilisés ensuite par les professionnels. quand on trace en fait l'histoire de la théorie financière sur un siècle, on voit très bien les aiguillages qui apparaissent, et dans 52, puis 58, 59, l'aiguillage se prend continuisation. Et donc on abandonne les courants discontinus. Ils existent toujours, ils ont toujours continué à exister, mais ils n'ont pas été choisis par les concepteurs de la théorie financière qui irriguent ces outillages techniques de gestion dont on parlait au début. Donc il y a eu des choix qui ont été faits, et qui à mon avis aujourd'hui devraient être au moins posé en tant que choix, dans le débat public. On dit, voilà, à la limite, on ne dit pas qu'un choix est bon, un est mauvais, on ne dit pas qu'un modèle est bon, l'autre est mauvais, on ne dit pas, ils ont tort, ils ont raison, on dit, posons au moins dans le débat la question des choix qui ont été faits historiquement. Est-ce que ces choix étaient légitimes? Pourquoi a-t-on fait ces choix et pourquoi pas d'autres choix? Pourquoi Markowitz n'est pas roi, par exemple? Pourquoi est-ce qu'on décide de choisir le modèle de Vasicek pour Moody's et pas celui de Peter Carr, par exemple, voyez. Pourquoi est-ce qu'on note les crédits avec des approches continuistes, type Black-Karasinski, et non pas d'approches discontinuistes, type Madan, par exemple, voyez. À la limite, on ne dit pas qu'il y a des vérités et des erreurs, on dit qu'il y a des choix qui ont été faits, ces choix pourraient être aujourd'hui débattus, au moins posés tels quels dans le débat. Après tout, on parle de sécurité nucléaire, c'est débattu publiquement. En sécurité financière, on pourrait se dire qu'il n'y a pas des techniques ou des technologies ou des approches qui seraient peut-être plus fiables que d'autres, en fait. Mais ce que j'observe aujourd'hui, c'est que cette question des choix n'est pas sortie publiquement et tout se passe comme si, en tout cas les régulateurs, ignoraient, parce que je pense qu'ils le savent quand même, qu'il existe plusieurs possibilités de prendre en compte les risques en économie et en finance. Mais pour l'instant, on est toujours dans un schéma de pensée qui est celui de l'école américaine de risque, donc les choix initiaux des années 50, grosso modo. Ça, c'est un point important, et je pense sur lequel on n'insistera jamais assez, c'est de dire, voilà, publiquement, en termes de démocratie technique, au sens de Calon, de Lascoum, il y aurait des enjeux à faire sortir du point de vue politique les choix techniques qui ont été faits dans les années 50, quand on voit les conséquences que ces choix ont eu de manière catastrophique sur les économies depuis maintenant au moins 2007. Mais avant, 87, le crack, la crise russe, les TNT, LTCM, etc., etc. Les crises à répétition. On peut montrer en fait que cet accident relève justement de ce choix qui a été fait dans les années 50, en fait. Alors, deux points importants sur cette école américaine du risque. D'abord, c'est pas territorial. Évidemment, ce n'est pas les États-Unis. Vous le trouvez partout dans le monde. Dans chaque pays, vous avez des laboratoires qui travaillent sur l'école américaine et d'autres non. Par exemple, en France, ça a peut-être un peu changé, mais jusqu'à une période récente, le laboratoire de Polytechnique, qui pourtant est excellent en termes de syntaxe mathématique, travaillait sur une sémantique de continuité du risque. Donc, on avait des browniens partout, pour faire très court. Évidemment, depuis, ça a peut-être un peu changé, mais ça veut dire que ce n'est pas territorial. Voyez. De la même manière, en Australie, où il y a beaucoup de travaux sur des aspects discontinuisés du risque, on trouve aussi des travaux continuisés. Voilà. C'est vrai que les courants plutôt discontinuistes sont apparus en dehors des États-Unis. Je pense à la France, à l'Allemagne, à la Suisse, au Danemark et en Australie. Mais depuis, ça s'est mélangé, et donc c'est plus territorial, en fait. Ça, c'est important de voir que cette notion d'école anglo-saxonne du risque. Deux points qui la caractérisent, qui sont là, à mon avis, extrêmement importants pour la compréhension de la crise et la façon dont les outillages techniques ont pu amener les acteurs à être complètement déraisonnables, sans limite dans leur avidité et leur cupidité, c'est que les caractéristiques de la vision, on pourrait dire, continuiste du risque, sont telles que tout se passe comme si on avait évacué de la finance et du risque deux dimensions importantes qui sont le temps et le hasard. Alors, ce n'est pas du tout trivial. Ça vient de ce que, du point de vue technique, quand on utilise comme noyau aléatoire dans des modèles de risque de crédit, de risque de taux, de risque de change ou des modèles d'arbitrage, de couverture, peu importe, quand on utilise des mouvements à base de browniens, qui sont des trajectoires continues, partout, jamais différenciables, en fait, il y a une permutation possible entre la dimension d'espace, donc l'amplitude des gains et des pertes, et la dimension de temps. Un brownien, c'est quelque chose qui est construit de telle sorte que, finalement, le temps, c'est de l'espace, l'espace, c'est du temps. Pourquoi ? Parce que la variance, donc la diffusion des browniens, est identiquement et mathématiquement non aléatoire, c'est du temps. Si la variance, c'est du temps, ça veut dire que l'espace se permute en temps et réciproquement. Le temps, c'est une variance. Et du coup, avec un système à base de browniens, si on voit bien que l'espace, c'est du temps, l'espace, c'est le risque, si le risque, c'est du temps, attendons que le temps passe, et au fond, le risque sera réduit. Donc on va réduire le risque par le passage du temps. D'où l'idée que les fonds de pension à long terme seraient moins risqués qu'autre chose. Réciproquement, si on voit bien que on permute le temps et l'espace, ça veut dire que on va avoir une loi de passage de la seconde à l'année qui va être très facile, puisque on dilate les variations possibles du risque via la variance qui est du temps, ou la racine carrée qui est la racine carrée du temps. Or, cette loi racine carrée du temps, c'est la loi que vous trouvez dans BAL 3, Solvency 2 ou UCITS 4 pour les calculs de fonds propres à horizon long terme par rapport aux données de court terme. Donc, la loi racine carrée du temps vient directement d'une approche brownienne sur le risque. Et comme elle marche dans les deux sens, ce qu'on voit, c'est que mathématiquement, sans aucune considération autre, on va dire ni économique, ni technique, ni éthique, qui sont inutiles, sans aucune considération, on va dire, périphérique, on peut se ramener de 10 ans à une seconde, puisque une seconde, c'est 10 ans fois racine du temps et réciproquement. Donc comme on va bouger sur l'axe du temps, racine carrée du temps, gérer à long terme, au fond, c'est exactement identique à gérer à très court terme. Le temps a disparu. Donc la gestion long terme est un non-sens dans le monde brownien, puisqu'au fond, il suffira de gérer à 30 secondes et de dilater sur 30 ans. D'où le court-termisme. Le court-termisme aujourd'hui en finance, je ne dis pas qu'il n'y a que ça, mais en tout cas est une des conséquences techniques directes des choix browniens, de par les propriétés mathématiques du brownien. Encore une fois, il n'y a pas de notion environnementale. On fait un choix technique. Ce choix technique embarque après les calculs, les pratiques sur quelque chose qui apparaît comme étant inéluctable. En l'occurrence, court-termisme. L'autre aspect intéressant, puisque là maintenant on a supprimé le temps, c'est de voir qu'avec le système brownien, puisque le hasard, donc la variance, c'est du temps, on voit qu'à long terme, au fond, le risque a disparu. Diversifions et on aura une protection de l'épargne. Attendons que le temps passe et finalement, on aura une sorte d'amortissement des fluctuations. Donc à long terme, il n'y a plus de risque. On a dérandomisé. Random en anglais le hasard, ou randonisé si on prend le mot randon en vieux français, puisque le cheval qui partait à randonnée, c'est un cheval qui partait au hasard. On a dérandonisé en fait la finance. Et donc c'est pour ça que Black-Scholes et Merton ont pu concevoir un modèle très élégant dans lequel finalement l'idée d'avoir des positions sans risque était possible. L'idée qu'on puisse arriver à faire disparaître totalement le risque par couverture parfaite via arbitrage. Cette idée n'est possible que dans un contexte de trajectoire continuisée à base de brownien. Il suffit de, réciproquement, retirer le brownien et de fait, c'est l'édifice mertonien ou black-scholien qui tombe. Parce qu'on ne peut pas arriver à trouver une couverture parfaite dans un contexte discontinu. Pour des raisons techniques qui sont liées à la non-permutation du temps et du risque. Donc, avec ce système de continuisation, on a inventé finalement, le prix Nobel récompense, la finance sans risque. Et comme la finance n'est plus risquée, rien n'empêche à Londres les équipes de AIG qui vendaient des contrats d'assurance sur risque de non-remboursement, des crédits hypothécaires, de vendre massivement des CDS, puisque finalement les couvertures parfaites par arbitrage dans un monde de continuisation à base de browniens assurent que finalement, la position est sans risque. Sans risque. Donc, il n'y a pas de raison de se limiter sur les positions, puisqu'il n'y a pas de risque. Pourquoi en prendre 100, alors que 10 000 seront quand même plus intéressantes, pour un risque qui n'est pas supérieur. Donc, finalement, si on vend un maximum de contrats d'assurance type CDS, on encaissera des primes au moment où on les vend. ce sera géré efficacement parce qu'on sait que le risque a disparu, on a dérandomisé la position. Et donc finalement, où est le problème? Le problème est que justement, ce n'est pas continu. Donc AIG saute, les contribuables payent. Et là, on voit qu'il y a un enjeu éthique d'un choix de modèle. Une minorité de personnes à Londres, les 400 personnes de AIGFP, qui ont reçu chacun $1 million de bonus par an en moyenne pendant grosso modo 5 ans, ont mis en faillite AIG, 116 000 personnes monde, 116 000 par rapport aux 400, il y a un rapport intéressant. Et finalement, qui a payé AIG? Le contribuable américain. Donc vous voyez, certains ont pris des risques qu'ils ont fait payer aux autres parce que leurs choix techniques n'ont pas été adaptés. Là, on voit un impact direct d'un choix technique sur un enjeu éthique et social. Donc c'est un point très important de bien comprendre comment est-ce que, au fond, la finance sans risque a conduit à des positions illimitées. Si le risque est nul, la conséquence, c'est que la position peut devenir infinie, puisqu'il n'y a pas de risque. Les risques de crédit, c'est pareil. Les systèmes comme Moody's, les internationalisations, les matrices de transition de crédit sont fondés sur une continuisation. Les modèles de Moody's, c'était les modèles de KMV. KMV, le V, c'est Vasit Check. C'est un processus aléatoire qu'on appelle un retour à la moyenne, avec un terme brownien pour assurer la diffusion. Donc c'est clair qu'avec ces processus, il est impossible par construction, de pouvoir quantifier un risque de non-remboursement ou un risque de défaut, comme on dit dans le franglais, de faillite. Donc c'est normal, si on peut dire, que ces notations soient absurdes, parce que finalement leur noyau aléatoire est construit à partir d'un monde leibnizien, et pas du tout d'un système de pensée dans lequel on peut avoir des ruptures et des faillites. Vous voyez, donc là aussi, au fond, avec cette hypothèse que j'appelle l'école américaine du risque, non seulement on a détemporalisé la finance, donc on est en court terme permanent, court-termisme, mais en plus on l'a rendu sans risque. Et donc il n'y a pas de limite, vous voyez, à l'exercice. Si les placeurs des subprimes en ont mis autant, c'est parce qu'en bout de chaîne, il y avait un tampon qui mettait 3A, qui s'appuyait sur des calculs qui étaient absurdes. D'ailleurs, des chercheurs français en 2005, 3 ans avant la crise, ont pris les données Moody's, et on s'est dit, ce système... se sont dit, ne tient pas, on garde tout ce qui est économique, les données macro, l'immobilier, l'économie, les scénarios, les projections, les individus, on garde tout chez Moody's, sauf les browniens. On retire les browniens, on met du non-brownien. Ils ont refait tous les calculs et ont vu que l'écart était de 1 à 5 entre les risques Moody's et les vrais risques sur la mise du non-brownien. Vous voyez l'impact, en fait, des choix techniques. Article publié en 2004-2005 dans une revue scientifique asiatique. Parce que l'article avait été refusé dans les revues américaines. Pour la petite histoire. Donc ça me paraît très important de bien voir comment l'école américaine du risque a fortement marqué justement les pratiques financières professionnelles. Alors comment est-ce que les choses se diffusent de manière pratique, une fois qu'on a bien en tête ces concepts? De manière très simple, à partir d'énoncés simplificateurs, on dirait des évangiles portables, comme dirait Marc Guillaume, voyez, des idées simples, comme dirait Frédéric Lordon, une sorte d'abrégé du bon et du vrai. On dira le ratio de Sharpe doit être de temps, la volatilité doit être de temps. On va dire il faut qu'on ait en risque neutre telle position. Vous voyez, des sortes d'abrégés du bon ou du vrai. Donc on va raisonner sur des mots aspirateurs qui vont remplacer la réflexion sur le risque. Et c'est commode car du coup, ça évite de se poser trop de questions sur ce qu'on fait. Autrement dit, on crée des automatismes de comportement, donc des procédés de décision qui deviennent automatiques. On met en place des routines qui font que progressivement, la réflexion et donc les choix échappent à la réflexion consciente qui peut se faire sur ces indicateurs. On dit ratio de Sharpe, c'est clair. Aujourd'hui, même les syndicalistes, moi je me rappelle, j'avais été pendant un temps gérant de portefeuille pour les institutionnels, même les syndicalistes connaissent les ratios de Sharpe. Les reporting pour les cases des cases de retraite, ratio de Sharpe. Ça, c'est un exemple. Voilà, automatisme de comportement. Vous voyez, on empêche la réflexion de s'exercer par des routines d'organisation. Alors, l'autre problème qu'il y a avec ce genre d'automatisme, c'est quand on dit... Quand on essaie de faire apparaître que l'outillage, en fait, peut être dangereux, en général, on se heurte à une compréhension de l'outil qui en évacue sa dimension performative, autrement dit d'influence. On va y revenir tout à l'heure. On dit l'outil, au fond, est un serviteur fidèle de la volonté des dirigeants, de leur désir. Donc si l'usage, le désir, la volonté sont bons, l'outil fidèlement, il faudra prendre des bonnes décisions. Si en revanche le désir, la volonté ou l'usage sont mauvais, de fait l'outil conduira à des mauvaises décisions. Vous voyez, l'outil est neutre du point de vue de son système de valeurs. On dirait que l'outil est axiologiquement neutre ou éthiquement neutre. Et dans cette conception de la technologie de gestion au sens classique, finalement, le gestionnaire est vu comme une sorte d'ingénieur de l'économie qui façonne le monde avec un outil qui est son bon serviteur, qui fait ce qu'il doit faire. Il n'y a pas de questionnement sur l'outil. Un monde, en fait, de pure rationalité. Un monde où qui fonctionne de manière technicienne. C'est l'image qu'utilise Michel Berry en parlant de la balistique. Au fond, les sciences de gestion, dira Michel Berry, les sciences de gestion sont aux décideurs ce que la balistique est aux artilleurs. Oui, des méthodes efficaces pour atteindre un but précis par le calcul de la meilleure trajectoire. Oui. Et là, on ne se pose pas la question de l'impact de l'outil sur la trajectoire. On dit, on vise, on calcule et ça ira au but. Voyez. Autrement dit, on n'imagine pas que l'outil de gestion puisse avoir sa propre inertie dans ce qu'on cherche à faire. En fait, c'est une conception mécaniste, grosso modo, qui remonte au 19e siècle et qui est passée pour des raisons précises dans le monde de la gestion. C'est une vision mécaniste, en fait, du monde financier. Alors, quand on essaie de poser dans le débat que les outils ont une inertie propre, on se heurte à une conception très classique qui est l'approche technicienne de la gestion. C'est-à-dire que lorsque on se dit, au fond, est-ce que l'outillage technique va avoir un impact sur l'orientation de la décision qu'on veut prendre, en général, la réponse est non, pour, en fait, quatre raisons ou trois raisons précises. D'abord, l'idée paraît en fait gênante. On se dit, si l'outillage embarque l'acteur, où est sa liberté? Où est sa volonté? Au fond, l'outil serait pas neutre. Ça veut dire que même si l'homme veut faire le bien, l'outil l'amène à faire le mal. Alors où est sa volonté? Qu'est-ce qui se passe? On dira, ben non, un marteau, c'est un marteau. On plante un clou, c'est bien. On tape son voisin, c'est mal. Voilà. Sauf qu'en finance, ce n'est pas des marteaux, justement. Le marteau, c'est peut-être neutre du point de vue de ses valeurs, mais la finance, c'est pas comme ça. Donc, première raison, se dit l'idée est dérangeante parce qu'au fond, où serait la volonté de l'homme si l'outil commençait à avoir un impact ou une influence sur les décisions qui sont prises, en fait. Deuxième raison pour laquelle il y a un obstacle intellectuel à comprendre le rôle de l'outil, c'est qu'en fait, les instruments de gestion, en général, ne sont pas contestés au sein de l'entreprise. Ça veut dire que, en fait, le mécanisme de déhiscence des décisions par des routines, déhiscence, c'est le fruit qui tombe tout seul, la déhiscence, ce mécanisme n'apparaît pas ni à ceux qui décident, ni à ceux qui exécutent, pour deux raisons, en fait, différentes. Dans les deux cas, le point commun, c'est que les uns et les autres ne voient pas une forme de déterminisme caché dans l'inertie de l'outil de gestion. Ceux qui exécutent, parce que finalement, si l'instrument est simple ou simpliste, ils diront qu'ils auront une marge de liberté. Et donc, ils n'ont pas intérêt à changer parce que finalement, l'instrument de gestion leur permet de définir leur propre territoire, au sens social du mot. Donc, au fond, ils ont intérêt à ce que l'instrument soit contesté parce qu'au fond, ils y trouvent pour eux un champ de liberté personnelle en interprétant l'instrument. Les autres, du côté de ceux qui décident, c'est parce qu'au fond, ils disent c'est technique, c'est pour les techniciens, les experts, moi j'ai des enjeux stratégiques, c'est pas pour moi, vous voyez les techniciens. Donc, vous voyez, dans les deux cas, soit l'outil est considéré comme étant un facteur de marge de manœuvre et on s'en accommode bien, soit on dit c'est pas pour moi, c'est pour les autres, donc on ne s'intéresse pas. Ce qui veut dire que dans les deux cas, finalement, il n'y a pas de questionnement sur le mécanisme d'éhiscence des décisions. La routine est comme cachée auprès de ceux-là qui l'utilisent, pour des raisons différentes. Et troisièmement, en fait, on s'aperçoit que du point de vue des enseignements, ou des manuels, ou des prêts-à-penser, vous savez, fast food, fast thing, les livres d'aéroport, que lisent les hommes d'affaires pressés dans les lounges luxueux, en fait, il n'y a pas d'enseignement sur l'impact des outils de gestion. Et finalement, au fond, les savoirs qui seraient nécessaires à cette mise en évidence des outils ne sont pas, en général, décrits, ni développés, ni présentés dans les manuels de gestion. Autrement dit, c'est comme s'il y avait une sorte de cadre de pensée pour dirigeants, un cadre de pensée très uniforme, dans lequel l'inertie propre aux outils n'existe pas. Alors, typiquement, c'était la position du XIXe siècle, la position mécanisme. Ça, c'est l'approche technicienne. Et moi, j'ai pu voir, on parlait beaucoup de dirigeants de toutes sortes, à des niveaux COMEX, donc très élevés, c'est vrai que on vous dit, non, ça c'est technique, c'est pour les techniciens, c'est pas de l'éthique, c'est autre chose, si compte c'est la stratégie, décision, au début, la notion de discours comportemental. L'illusion que on décide en n'étant pas influencé, ou sans obstacle des outils. Et c'est vrai que la position scientiste, positiviste ou mécaniste est très répandue, aujourd'hui encore, en tout cas en France, chez beaucoup de gens qui ont des positions importantes dans les COMEX. Certains voient, d'autres ne voient pas. Alors là, ce n'est pas lié au diplôme, ce n'est pas lié à la formation, ce n'est pas lié à l'âge, ce n'est pas lié à l'expérience, c'est un mystère. Les uns voient, les autres ne voient pas. Là, c'est... je pourrais vous prendre, mais pas maintenant, parce qu'on puisse enregistrer la liste des présidents des banques, et je vous dirais qui voit, qui voit pas. Je regarde l'heure, parce qu'il faut que je prenne pas trop de temps. Donc voilà, donc l'idée, au fond, qui est derrière, c'est de quitter cette approche technicienne, car finalement, elle empêche de se rendre compte du rôle de la technologie de gestion dans la mise en place des pratiques professionnelles. Alors, cette technologie, disait Michel Berry, toujours dans le rapport de 83, est d'autant plus dangereuse, justement, qu'elle est invisible. Donc, elle agit sans qu'on puisse la détecter immédiatement. Donc, ce qui est important, je regarde sur quelle page j'en suis, de 4-7, c'est de... Voilà, comprendre en quoi les analyses comportementales, justement, sont incomplètes. C'est qu'elles ne voient pas que les décisions qui sont prises, que ce soit par cupidité ou par, au contraire, altruisme, sont corrompues ou altérées par les outillages techniques et mentaux. Ça veut dire que l'équipement intellectuel, une sorte d'hybridation homme-machine, en quelque sorte, le cyborg, c'est un terme à la mode, aujourd'hui on parle de cyborg, que les cyborgs qui sont les décideurs équipés, finalement, transportent au moins en partie les valeurs qui sont portées par leurs outillages techniques. Il y a une sorte de formatage cognitif du jugement par une articulation, une hybridation homme-machine. Et ça, c'est très important parce que finalement, vous prenez Fannie Mae et Freddie Mac, même si les dirigeants n'avaient pas de crédibilité, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire, en fait, voyez. Comment auraient-ils pu agir? Hybridation, individu et son équipement. Vous voyez, le soldat sur le terrain, avec ses lunettes infrarouges, son casque, et puis ça, tout son équipement complet. Et, alors, il y a plusieurs termes, justement, qui décrivent cette influence des outillages via les théories. Et ça, Michel en parlera, donc je ne fais que l'évoquer. On parle d'abord de l'effet théorie chez Bourdieu, qui est un des premiers avait s'était intéressé au sujet. Et je vous cite la Bourdieu. Une théorie, disait-il, devient une force sociale. Une théorie devient une force sociale dès lors qu'elle modifie les pratiques des professionnels. Alors je transpose Bourdieu en termes professionnels. Oui. Donc l'idée qu'il y a un effet de théorie via les outillages techniques embarqués par les acteurs dans une hybridation homme-machine. Depuis Calon, on parle de performativité, mais ça, Michel en parlera, donc je vais passer rapidement et je laisserai Michel développer plus largement ce concept qui vient de Austin et de la philosophie du langage, mais je ne déflore pas le sujet pour l'instant. C'est un énoncé performatif. Bon, je dis juste en deux mots ce que c'est. L'énoncé, en fait, soit descriptif, soit prescriptif, soit performatif. Ça veut dire que si je dis ce verre est à moitié vide, c'est descriptif. Si je dis prenez tous vos skis pour aller encore la neige, bon, faire un peu de ski, prenez vos bâtons, c'est prescriptif. Mais il y a des cas différents. Quand on dit par exemple je vous déclare mari et femme, que c'est un maire qui parle, ou je vous baptise, etc., etc., l'énoncé produit un effet dans le monde social. C'est-à-dire, en fait, l'énoncé prononcé par le vice ministériel a modifié le statut social des individus. On dit que l'énoncé a fait des choses avec des mots et on dit qu'il a été performatif au sens où il a performé, mis en forme, conformé quelque chose du monde social. Voilà, comme disait Austin, son titre, « Quand dire, c'est faire ». Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle les énoncés performatifs. Et ça a été appliqué par Calon à l'économie, qui en a fait un développement pour expliquer comment l'économie comme savoir était performative de l'économie comme pratique. C'est-à-dire comment les énoncés d'économie théorique avaient mis en forme, en termes politiques, des économies réelles. Donc un impact des énoncés sur la chose sociale, ce qu'on appelle l'effet performatif des théories économiques. Et pour la finance, ça a été appliqué par d'autres auteurs qui ont suivi Michel Calon. C'est en ça qu'on parle d'effet réflexif des modèles, au sens où les modèles se reflètent partiellement dans les pratiques professionnelles. Donc j'en arrive à la fin de l'exposé, puisqu'il est 6h, je voudrais qu'il y ait un débat à partir de 6h25. Michel, tu vas parler dans les 25 minutes. Oui, on verra. Oui, donc je vais d'abord, d'accord. Donc vous voyez, si on voit bien au fond que les outillages techniques et mentaux ont un impact important sur les décisions, que les comportements n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être, c'est clair, mais qu'ils ont été aussi impactés par les outillages techniques. Les analyses donc doivent intégrer cette dimension performative des énoncés de la théorie financière, surtout quand ce qui performe, c'est une vision brownienne du risque, qui rend sans limite une finance qui, de fait, se trouve réduite à un objet sans temps et sans hasard. Si on voit bien, en fait, ce mécanisme de cette technologie de visite de gestion, on comprend que lorsqu'on veut réguler le système financier et le surveiller, il ne faut pas juste établir des règles sur les fonds propres, les acteurs, les bonus, tout ce qu'on veut. Il faut également surveiller précisément les outillages techniques et leur contenu. Autrement dit, qu'est-ce qui passe dans le système qu'on trouve dans les équipements, les instruments, les objets financiers, en fait. Et là, aujourd'hui, c'est clair que il y a pas mal de problèmes quand on voit ce que les régulateurs mettent en place dans les directives, entre autres européennes, avec des modèles qui n'ont pas été analysés en termes épistémologiques. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui ? Parce qu'on trouve beaucoup de choses, malgré tout, qui sont très bien sur cette question. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux, ce qu'on appelle les science studies, donc de la sociologie de la gestion, et qui décrivent très bien la manière dont les idées circulent. Je pense aux travaux de Gilbert, de Steiner et Vatin, de Dominique Pestre évidemment, de Gottschall. Et tous ces travaux décrivent la circulation des idées et en font une cartographie excellente pour voir comment les idées passent des desks au contrôle, à la salle des marchés, aux régulateurs, aux politiques. Il y a tout un effet sociologique qui est très bien décrit par ces travaux de sociologie de la finance, ou études sociales de la finance. Donc là, on va dire, beaucoup de choses existent. Mais ce qui, à mon avis, doit être encore davantage exploré, qui n'est pas suffisamment fait, c'est l'évolution interne des idées financières au travers des instruments, ce qu'on pourrait appeler la manière dont les mathématiques financières, de façon endogène, croissent. Et là, il y a un effet très particulier et qui aujourd'hui est peu documenté, c'est une sorte de croissance endogène des mathématiques financières pour elles-mêmes, qui va produire après d'autres instruments et d'autres types de dispositifs de gestion. Et autant l'approche sociologique cartographie de manière excellente, en statique, les mondes de la finance par une approche ethno-méthodologique sur qui fait quoi et comment, autant cette approche pour des questions de méthode n'est pas justement équipée pour pouvoir entrer dans l'évolution au fil du temps des idées techniques de la finance via les mathématiques financières qui prolifèrent en fait sans contrôle. Et là, c'est le domaine davantage de l'épistémologie, alors que j'ai moi-même contribué à alimenter dans mes propres articles. Jean-Philippe Bouchot parlait du risque systémique qui contenait les mathématiques financières comme élément de ce risque. Et là, ça me paraît important de comprendre qu'aujourd'hui, il y a un phénomène d'emballement, une sorte de dérive créative des mathématiques financières qui échappe au contrôle épistémologique et évidemment social. Et donc, dans la surveillance des systèmes financiers ou dans la régulation financière, je pense qu'il serait de première importance de mettre en place des travaux de suivi du développement de ces mathématiques de la finance pour voir ce qui se passe et ce qui est en jeu. Je prends un exemple très ancien. Tout le monde connaît le bêta des financiers, c'est le coefficient qui exprime que si le marché monte de 4% et l'action monte de 6, le bêta sera de 2. Enfin, pas 1,5, autant dire sans sensibilité. Le bêta, c'est pas au départ du tout financier. Quand on prend la littérature technique sur les modèles de Markowitz et de Sharp, on voit qu'au départ, Markowitz cherchait juste à faire un calcul de portefeuille optimal par rapport à un couple moyenne variance. Donc, de manière non financière, non économique, et sans autre considération environnementale sur les enjeux ou les environnements de marché ou le contexte entrepreneurial dans lequel on se situe, on dit, bon, comment on fait une optimisation? On pose un Lagrangien, on écrit le Lagrangien, bon, donc objectif moins contrainte, fois les coefficients, on en prend le gradient, donc on dérive, et puis on regarde les équations qui résultent du gradient, on les annule, parce qu'on veut arriver à un maximum local, et puis on les résout. Et là, qu'est-ce qu'on va apparaître dans ce gradient? Un coefficient, côté bêta. Au départ, le bêta, ce n'est pas financier, ça vient de Lagrangien. Et après, Markowitz s'est dit, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Il passe ça à Sharp, en 3. Et là, il s'est dit, au fond, le bêta, ça pourrait très bien être une idée financière où on dirait qu'il y a un coefficient qui... Et l'histoire commence comme ça, tout le monde connaît l'histoire. Oui, je veux dire que là, il y a eu un effet de création mathématique endogène qui, après, a produit un objet financier. Ça n'a pas été au départ financier, ça au départ c'était mathématique. Et l'histoire est vraiment très très connue et retracée. Et j'ai même écrit dans un article en 2004 pour bien faire apparaître comment on est passé du Lagrangien et du gradient au bêta statistique puis au bêta économique via l'équilibre du modèle de Sharpe qui est le MEDAF ou le CAPEM en 64 en fait. Là, c'est un exemple, il y en a tous les jours. On pourrait parler des martingales arbitraires, de l'approche risque neutre, tout ce qu'il y a aujourd'hui dans les débats actuels sur l'évaluation des instruments de taux, non amortissables, comme on dit. Donc voilà, ce qui me paraît important, c'est d'insister sur la surveillance d'une prolifération de mathématiques par effet endogène. Et on sait que ces mathématiques se retrouveront certainement dans les outillages techniques et mentaux, parce qu'on sait comment ça marche, pour l'avoir vu depuis 30 ou 40 ans, par le processus que j'ai essayé de vous décrire dans l'exposé. Et donc, c'est important de documenter justement la chaîne de médiation, donc bien voir en fait comment on passe des modèles abstraits aux pratiques professionnelles, pour repérer en fait comment telle ou telle représentation dominante va devenir dominante, va justement résister aux critiques et va pouvoir s'imposer comme étant un paradigme dans les calculs des savoirs partagés. Donc, en conclusion, on voit que ce qui paraîtrait important aujourd'hui, c'est dans le cadre de la régulation financière, de prendre en compte ce qui n'est pas encore fait, l'effet réflexif des modèles via cette notion de performativité dont on parlera donc juste après. Autrement dit, voir comment se passe ou se fait le passage du modèle abstrait à la pratique elle-même, repérer les hypothèses dangereuses, comprendre pourquoi c'est quand on dérandomise la finance, on crée des comportements sans limites, par exemple, et finalement inclure la surveillance de la performance dans la surveillance globale en fait, du système financier. Et réciproquement, je pense que tant que on n'aura pas inclus une approche critique de la performativité des finances mathématiques pour la compréhension des accidents financiers, à mon avis, il manquera un élément important dans le contrôle aujourd'hui du système financier et sa régulation. Et donc je serai le partisan pour mettre en place quelque chose qui inclut cette dimension de surveillance de la performativité de la finance via des chaînes successives de sous-traitement à documenter pour comprendre comment se passent ces aiguillages et à quel niveau ils se situent. Donc voilà, il est 6h10, donc j'arrête là pour l'exposé. Effectivement, on peut avoir une première série de questions, et après tu... comme tu veux, comme tu veux. Comme d'abord, Christian a annoncé qu'il ferait un exposé un peu didactique, c'est possible pour lui parce qu'il parle de choses qu'il maîtrise, de se décrire de manière synthétique. Moi, ce sera beaucoup plus improvisé, et plutôt sous la forme de questions, de recherches. Donc, je ne sais pas si... Et c'est plus d'un point de vue anthropologique, épistémologique, que interne au monde de la finance, qui n'est pas ma spécialité. Donc, je voudrais prendre quelques précautions. Bon. Parce que c'est une ou deux questions tout de suite sur ce que je lui ai dit. On peut les prendre, et après, on enchaîne sur ce que tu fais. Oui, oui. Je vous propose justement une question de transition entre les deux exposés. Vous posez une conclusion très très juste qu'il faut que les régulateurs et les autorités publiques se penchent sur les modèles qui sont utilisés, sur les outils qui sont utilisés. Et vous dites à juste titre qu'il faut une épistémologie des modèles. Comment il faut organiser ce contrôle épistémologique et comment il faut le finaliser? C'est-à-dire, quels critères peut-on poser comme pour faire la différence entre un bon modèle et un mauvais modèle, entre un modèle qui produit quelque chose de positif et un modèle qui produit quelque chose qu'on juge négatif? Comment fait-on? Oui, ça c'est comment on repère en fait les voilà comment on repère les hypothèses qui sont dangereuses. Tu veux dire quelque chose? Oui. Coup, me... voilà. Bon, donc monsieur y répondra. Monsieur y répondra. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Je peux partir de cette question. Parce que mon entrée dans ce sujet n'est pas liée à une compétence particulière. Je ne suis pas économiste. Je ne gère pas de fonds. Je viens là, c'est bon. Vous partiez de toute façon. D'accord, donc je ne sais pas forcément. Non, parce que j'ai quand même peut-être déjà un mémoire. Je suis probabiliste et un peu philosophe, et c'est à partir de ces entrées que je me suis intéressée à la question de la performativité des modèles. Quand on entre dans, de cette manière-là dans ce sujet, on est d'emblée confronté à au moins deux questions qui vont donner l'impression dans un premier temps que il n'y a pas de réelle convergence avec ce qu'a dit Christian, et en réalité oui, donc il faut attendre un petit peu. D'abord, je me pose la question, est-ce que l'on peut sans précaution confondre outils et modèles? Parce que modélise-t-on? C'est une question qui me paraît assez essentielle, à laquelle je vais répondre d'une manière qui peut ne pas convenir aux spécialistes, et quelqu'un en a débattre. Mais pour moi, finalement, quand on modélise le cours d'une action, par exemple, ce que l'on modélise, c'est une série de décisions, non pas des choses qui concerneraient un phénomène plus ou moins naturel. Ce sont des successions de décisions, de ventes, d'achats qui font les prix. Et donc, on a d'emblée une circularité qu'on ne peut pas ignorer. Et le terme outil gomme, même si en fait, après avoir souligné qu'il contient des dimensions éthiques, une anthropologie sous-jacente d'ailleurs, c'est en fait parce que peut-être qu'il faut faire attention à l'usage du mot outil et plutôt penser que nos modèles sont des modèles d'agrégation de décisions, une proposition. La deuxième chose, je ne sais pas si c'est un choix délibéré, c'est possible, mais le mieux est qu'on en débatte. J'entends bien souvent que l'on parle de comportement et il me semble qu'il serait plus judicieux de parler d'action ou de décision parce que lorsqu'on regarde, lorsqu'on examine le processus de décision qui utilise un modèle de, qui donne des prix, qui permet de décider. En fait, et donc mon propos sera un petit peu plus radical que celui de Christian, c'est pas la question des bons modèles ou des mauvais modèles, c'est la question du modèle en tant que tel. Parce que je suis évidemment tout à fait, c'est là où on se rejoint très fortement, d'accord, pour souligner que dans la saisie de ces situations, de ces décisions, il y a deux caractéristiques fondamentales, c'est la détemporalisation et la dérandomisation. Dérandomisation qu'on peut observer par un autre biais que celui qu'a cité Christian tout à l'heure, qui est lorsqu'on prend les propos des gens qui ont à décider en situation d'incertitude. J'ai des entretiens de cet ordre, on a des écrits de Greenspan, d'autres, on a accès à des commentaires sur Internet de gens qui donnent des conseils sur la gestion des portefeuilles, etc. On a les cours de mathématiques de Polytechnique, on a beaucoup de sources qui convergent toutes et qui consistent à évacuer les hypothèses des théorèmes de convergence en probabilité. Ça converge. Et le mot « converger », c'est le verbe, pardon, converger, c'est au sens d'une suite dans un ensemble et non pas d'une suite qui convergera en probabilité, en loi ou toute autre chose. Donc, il y a toute une part de la dimension aléatoire des phénomènes qui est évacuée, il y a une espèce de tendance anthropologique très profonde vers le désir de réduire l'aléatoire. Donc c'est dérandomisé au sens où on peut réduire toute situation aléatoire à un jeu de pile ou face ou à un jeu de tirage de boules dans une urne, etc. On évacue ce dont on a beaucoup parlé depuis 2007-2008. On a repris un des termes proposés par Keynes d'incertitude radicale. Nassim Taleb a lancer le concept de hasard sauvage, qui était mal entendu au début, mais qui finalement maintenant fait fortune. Et dans l'idée de dérandomisation, il y a ça, il semble qu'il y ait une posture anthropologique qui désire, et qui prend ses désirs pour des réalités, qu'il n'y ait pas trop d'aléatoire. Bon. Et la question de la détemporalisation, elle est liée à la question du choix entre les concepts, en sociologie c'est pas du tout les mêmes évidemment, de comportement et d'action. Et parce que, quel que soit le modèle, et donc ça évacue la question du bon ou du mauvais modèle, quel que soit le modèle, de toute façon, il n'est jamais complètement exhaustif. Et toute décision, c'est là où il me semble qu'il y a encore des vides de recherche, c'est des choses à faire. Prendre une décision, c'est faire des hypothèses sur les décisions des autres. Et il y a donc un no man's time, un moment, dans, même si on décrit cela de manière schématique et formelle, entre l'enquête, le rassemblement de données, d'évolution des cours, de notations, de documentation sur les marchés, sur le comportement des autres, etc. Il y a un moment où il faut décider, sachant que, justement, on ne sait pas tout sur tout. Et donc, il y a toujours une dimension de pari. Et là, il y a donc un hiatus. Ce ne sont pas des comportements, ce sont des décisions. La délibération, la décision est une inférence, ce n'est pas une déhiscence. On s'engage, on prend une décision, sachant qu'on est en situation d'information toujours incomplète. Donc, on retrouve ces concepts-là, mais on voit, quand on prend les choses de manière plus anthropologique, comme une anthropologie de la décision, on voit qu'il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas de bon modèle, parce que les modèles sont des modèles qui se réfèrent à des décisions antérieures, les cours, et peut-être que le bon décideur en matière financière cherche à être raisonnable ou pas, mais quand même, on a tendance à voir que c'est plutôt en s'écartant de la décision des autres que l'on peut spéculer. Donc ce jeu entre se conformer à la norme et s'en écarter pour gagner reste à prendre en charge, il me semble, dans une épistémologie de la décision. Et il y a sans doute des limites aux capacités des modèles à prendre en charge cette circularité, entre ce dont parlent les modèles et la manière dont on va s'en servir. Il y a là un gap qu'on ne peut pas ignorer. Alors, du coup, je me permets de revenir sur ce concept de performativité parce que ce vide épistémologique, cette lacune en compréhension et en description des processus n'est pas complètement étrangère. Là, je charge un peu abusivement, mais je me permets de charger mes collègues sociologues de la finance, et donc en particulier ceux qui ont introduit le concept de performativité, donc je pense en particulier à Michel Calon, lequel, lorsqu'il écrit sur, je pense en particulier à l'ouvrage « Agir dans un monde incertain », ne pense pas du tout de la même manière que quand il parle des marchés financiers. Il y a vraiment une très grande différence. Quand il écrit dans l'ouvrage « Agir dans un monde incertain », il met en avant l'existence de forums hybrides où interviennent des gens qui n'étaient pas prévenus au départ, des profanes, qui changent le cours des choses. Donc on a de l'imprévisible du point de vue de la science. Mais quand il parle de la finance, il met au cœur de ses problématiques cette notion de performativité. Et il faut se poser la question des effets de ce concept de performativité dans la manière dont on saisit ces questions. Il me semble que l'un des effets de l'introduction de cette idée de performativité, c'est d'avoir dissuadé la recherche de se préoccuper de ce dont je viens de parler, qui est de l'épistémologie des comportements, non pas la sociologie. Christian l'a souligné, il y a eu beaucoup de choses de fait, mais l'épistémologie de la décision dans le monde de la finance. Ce terme de performativité, prudemment, on est un peu passé à performation pour... je ne sais pas pourquoi introduit le terme de performation plutôt que de performativité. Par performativité au sens où une capacité qu'a un modèle ou un énoncé à mettre en forme, d'où le suffixe IT. Performation, c'est la mise en forme elle-même. d'un côté conformation, dont la performativité d'un modèle va être la capacité à performer effectivement le monde par performation. Est-ce qu'on pourrait pas dire que la performativité, c'est ce qui se mesure à partir d'une performation qui est et qu'on constate? Alors, mesurer une performativité, on mesure rien là. La probabilité d'occurrence d'un événement de crédit, c'est une forme de performativité, notamment de performativité de la mesure du risque de crédit d'un certain acteur sur le marché qui achète ou qui vend des instruments de couverture ou de spéculation. Alors là, c'est un peu différent parce que s'il y a une faillite ou un défaut sur un crédit, ce n'est pas lié à la manière dont le modèle a structuré la pratique. C'est plutôt lié à l'événement presque exogène qui vient de ce que la faillite survient. Parce que justement sur cet exemple du risque de crédit, le grand constat qu'on fait actuellement, c'est que... On part d'une hypothèse d'aléa sur les événements de crédit, donc on probabilise tout ça, on fait des beaux modèles, et puis on découvre que les décisions qu'on prend à partir de ces modèles, déterminent des événements. Par exemple, le défaut de la Grèce qui se retrouve avec des taux d'intérêt complètement hallucinants par rapport à ce que sa réalité économique lui permet. Enfin, on va surtout dire, mais je vais laisser Michel le répondre, donc quelque chose se passe dans l'ordre. On veut plutôt dire comment est-ce que des dispositifs, des pratiques, des modèles, des logiciels vont refléter des modèles particuliers. Là, l'événement dont vous parlez, il peut être produit par un effet indirect, mais il n'est pas directement. Il n'incarne pas directement un modèle qui passe dans des pratiques. S'il y a un défaut, par exemple, sur l'exemple que vous prenez sur un crédit, ça, c'est pas performatif. C'est pas produit par un modèle qui aurait dysfonctionné. Si à Détroit et à Miami, deux emprunteurs font simultanément défaut et que les maisons doivent être vendues, c'est pas lié à un modèle qui aurait produit le non-remboursement. Même si, en fait, malgré tout, le crédit a été donné parce que le modèle laissait croire que. Oui. Donc, je pense qu'il faut, c'est pour ça que je disais qu'il faut documenter la chaîne de médiation pour voir quand c'est et quand ce n'est pas performatif. Puis ça peut être aussi contre-performatif. On peut vouloir régler la volatilité et la réduire par des mesures de réduction de risque. Et on pourrait croire qu'à ce moment-là, on a un effet performatif d'une réduction de risque. Et on veut produire un effet qui est contre-performatif, qui est le contraire en fait. Donc il peut avoir aussi un effet contraire. Sur cet exemple de la Grèce, il se passe un phénomène très intéressant, c'est que les instruments de couverture, en l'occurrence les CDS, sont construits sur une mesure d'événements considérés comme aléatoires. Oui, tout à fait. Et il y a un cadre réglementaire législatif défini par un organisme international sur les CDS qui a justement été consulté pour dire comment on devait considérer le fait que la Grèce demande une restructuration de sa dette. Est-ce que c'est un défaut ou est-ce que c'est pas un défaut? Et donc, est-ce que ça va être considéré à l'intérieur des modèles de valorisation du risque de crédit des États dans la zone euro comme un événement compris dans la modélisation, ou est-ce que c'est un événement extérieur à la modélisation? Et en l'occurrence, c'est la position qui a été prise pour le moment, c'est de dire non, ça n'est pas un défaut. Ça a toutes les apparences d'un défaut, mais ce n'est pas un défaut. Donc on n'active pas les mécanismes juridiques. Oui, donc vous dire que là, le modèle ne crée pas d'événement, ou crée un événement. En l'occurrence, l'hypothèse d'aléa des événements de crédit qui préside à la modélisation des primes de CDS est fondée sur le fait qu'il n'y a aucune discussion possible sur qu'est-ce qu'un défaut, qu'est-ce qui n'est pas un défaut. est fondée sur l'hypothèse que pour la Grèce, c'est parfaitement défini, il n'y a aucune ambiguïté. Et néanmoins, on s'aperçoit qu'il y a un problème, parce que selon que la restructuration de la dette est considérée ou pas comme, comme un événement de crédit, ça déclenche ou ça ne déclenche pas les CDS. Et donc, si ça déclenche les CDS, ça change tout quant à la modélisation qui a été faite, qui repose sur, finalement, une indétermination. Qu'est-ce que c'est qu'un défaut en matière de finances publiques dans un État à l'intérieur de la zone euro? Donc on voit que la performation du modèle de calcul du CDS débouche sur une performativité non mesurable du modèle de CDS pour mesurer le risque de crédit d'un État, en l'occurrence de l'État grec. Oui, il faudrait voir comment ça se passe dans la séquence qui va de l'un à l'autre. Je ne veux pas monopoliser juste un débat bilatéral, mais peut-être que tu peux continuer, Michel. Oui, mais c'est loin de ouais. questions de cas particuliers. Ce que j'avais à dire sur le concept de performativité est d'ordre beaucoup plus général sur les usages de ce concept et de savoir si on n'aurait pas intérêt à tenir compte de sa complexité, de son contexte, et ne pas le transférer sans précaution. Et est-ce qu'on en a vraiment besoin, finalement? On pourrait se poser cette question-là, parce que il y a un moment où on arrive à de réelles banalités, que les outils aient un impact sur leur usage, que la forme d'un outil ait un impact sur le résultat de son usage, finalement, personne n'a jamais douté de ça. Enfin, est-ce qu'on dit là quelque chose qui éclaire réellement? Parce que, je vais juste redire deux mots de ce concept, du travail d'Austin et de ses interrogations qu'il a lui-même porté sur les limites et la fécondité de ce concept, qui pourrait peut-être, il me semble que ça, on rejoint des questions que j'ai évoquées tout à l'heure. D'abord, il y a quand même une première grande question pour quelqu'un de naïf et d'extérieur de champ comme je le suis. Si on reprend la thèse de Calon, qui est quand même une thèse très très très très forte, qui porte sur, d'une certaine manière, l'inutilité de se poser certaines questions par rapport aux sciences économiques. Je le cite très rapidement. Il dit: l'intérêt de la notion de performativité, c'est d'avoir conduit au remplacement des concepts de vrai et faux par ceux de succès et d'échecs. Et on voit dans l'échange que l'on a là, et je crois que vous avez dit, il faut qu'on arrive à, etc. Il y a un moment, me semble-t-il, où il n'est pas inintéressant d'adopter une position de recul par rapport à l'action et d'essayer justement de décrire, de comprendre, d'en faire une science. Qui est quand même un moment important. Calon utilise ce terme pour dissuader de se poser la question du vrai et du faux en sciences économiques. Et il espérait, je n'ai pas retrouvé la citation pour la science d'aujourd'hui, il écrit qu'il a l'espoir que cette posture pourra s'étendre à l'ensemble des sciences. Donc il y a une prise de position épistémologique assez radicale. D'autant plus radical qu'on peut quand même, surtout après la crise, se poser la question, il me semble qu'on est devant un dilemme. Ou bien la notion de performativité est la clé explicative de ce qui se produit dans le champ des pratiques financières, et dans ce cas, on a performé la crise, ou bien la crise n'a pas de rapport avec cette notion de performativité, et auquel cas c'est un concept qui est largement inutile, puisque c'est quand même à comprendre comment le phénomène s'est déroulé et qu'est-ce qui nous a amené à cette crise. Donc, je pense que c'est aussi une crise du concept de performativité, ce qui s'est passé, et donc peut-être que l'on peut rapidement revenir sur ce terme et voir que si on ne le déconstruit pas plus, on risque de jargonner et de ne pas en avoir des effets éclaircissants. D'abord, quand Austin a introduit ce terme des années 60, il met en lumière une limite des théories linguistiques de l'époque qui n'accordait au langage qu'une fonction descriptive, référentielle pour les états du monde ou modale sur les états du locuteur. Il montre qu'un certain nombre de... Alors, il cherche à ce moment-là à distinguer des verbes qui sont performatifs pour les distinguer des verbes constatifs. Mais il n'a jamais abandonné l'idée qu'il y avait du constatif dans le langage et donc dans la science. Donc le premier geste consistait à amputer la problématique d'Austin de la moitié du schéma qu'il construit. Deuxièmement, cette enquête sur le partage entre les verbes performatifs et les verbes constatifs échoue, et Austin renonce à ce partage en termes de verbes pour s'intéresser aux speech acts, c'est-à-dire aux actes de discours ou de parole, et pas de langage comme on le traduit fréquemment en français. Parce que la question pour Austin, c'est dans le moment même de la parole, qu'est-ce qui se passe, hein? Christian a cité tout à l'heure la parole du maire qui dit « vous êtes mari et femme ». C'est le fait de le dire qui change dans l'instant le statut des personnes. C'est donc assez différent ce ne sont pas n'importe quels effets de discours qui sont pris en compte. Ce n'est pas la même chose de faire quelque chose en le disant et faire quelque chose par le fait de dire. C'est la performativité, cette dimension, elle est liée au fait de faire quelque chose par le fait de dire, mais pas, vous voyez, on a déjà deux catégories. Austin lui-même, donc, je lui dis, renonce à ce terme de performativité pour classer des dimensions des actes de langue, de parole ou de discours en locutoire, illocutoire, perlocutoire, ce qui permet d'accéder assez vite à l'observation que il y a donc ces effets immédiats qui sont faire quelque chose par le fait de dire, et qu'on pourrait appeler l'effet, ça prend effet tout de suite. C'est différent que les suites d'un énoncé, et c'est encore différent des conséquences d'un énoncé, les effets perlocutoires. Bon. En prenant en compte l'ensemble des travaux sur les actes de discours, on voit qu'il est peut-être utile de les incorporer à nos problématiques sur la décision financière, parce que tout n'est pas compris dans le seul fait d'énoncer quelque chose. Certes, Calon interpose entre la théorie économique et les pratiques économiques des dispositifs techniques, mais on voit bien qu'on est plus dans les conséquences d'une théorie Et on voit que dans ce cas, on réintègre des personnes qui prennent des décisions, qui appliquent, et on peut se reposer la question de la responsabilité. Parce que l'un des effets de ce concept de performativité, me semble-t-il, c'est qu'il, ce sont les modèles qui agissent, ils agissent par déhiscence et de manière immédiate, et on ne peut plus poser la question de la responsabilité. Il n'y a plus des personnes qui prennent des décisions à partir de données d'informations accumulées grâce à des modèles imparfaits, mais qui les informent de l'état du monde, et qui prennent une décision. Donc, il me semble qu'on a intérêt à reprendre ces choses, cet univers de la décision en matière financière, dans un cadre épistémologique où on réintroduit des humains, des responsabilités, et non pas seulement des modèles, des outils. Alors, il se trouve que, il me semble aussi que ce concept de performativité, qui évacue d'une part l'énonciateur, le décideur, et le constatif, pourrait se rapprocher de la notion d'autogénération, donc les modèles génèrent des choses, et soumettre cette hypothèse, ou ce choix descriptif, à une critique qui est également qui rejoint une réflexion philosophique ou éthique que l'on rencontre dans le champ de la finance islamique. On ne va pas en débattre aujourd'hui, mais certains penseurs autour de la finance islamique tentent d'interpréter la logique à l'œuvre dans cette finance, qui est évidemment entièrement du côté de la norme de l'obligation et non pas du constatif. Hein. On n'est pas dans un modèle de connaissance, on est un modèle pour l'action, dans le programmatique et l'obligatoire et la norme. Les travaux sur cette question de l'autogénération comme étant la base de l'interdit fondamental dans la finance islamique, on voit que peut-être qu'il y a là une possibilité de rejoindre et d'articuler ce travail critique sur le concept de performativité. Bon. Ça pourrait être assez obscur ce que je viens de dire. Il reste un quart d'heure, je vous propose d'ouvrir un débat. Alors, qui veut se lancer? Oui? Je m'appelle Gunther Kepel-Blancard. Pardon? Je m'appelle Gunther Kepel-Blancard, je ne suis pas bien face à un truc. Oui? Je ne sais pas si c'est nécessaire. Il y a un point qui me gêne un peu dans votre discours, parce que qui ressemble pas mal à des discours que j'ai entendus par des gens qui sont au contraire très impliqués dans la fabrication des modèles utilisés en finance et qui ont une approche un peu similaire, alors que on pourrait vous croire assez opposé. Pour eux, effectivement, les modèles ont failli. Alors, non pas pour les mêmes raisons que celles que vous évoquez, mais parce qu'ils n'intègrent pas certaines complexités, certaines non-linéarités, certains sauts. Et donc ça renvoie un peu à votre présentation sur la discontinuité. Mais je pense que leurs présupposés à la base sont vraiment différents. Mais ils en viennent à la même logique sur laquelle, effectivement, en tout cas c'est comme ça que j'interprète, les modèles n'étaient pas suffisamment sophistiqués. Et ça m'inquiète toujours parce que je crois qu'une des sources aussi de la crise, assez une sophistication à l'excès. Et d'ailleurs, vous avez abordé ce thème. Hein, c'est un thème qui vous est cher, hein, l'innovation et comment elle se construit. Et donc cette sophistication qui est liée à un traitement différent des modèles. Hein, si on veut avoir des modèles qui ne sont pas basés sur les browniens, ça demande une analyse beaucoup plus complexe. Or, on sait que cette sophistication, cette complexité, ça va de pair avec une plus grande opacité. Et donc, moi, je suis toujours réticent, hein, parce que vous avez presque des recommandations de politique économique. Vous en avez une au moins, qui est d'aller voir dans les outils, hein, je l'ai noté, réguler les outils techniques et leur contenu. Vous n'êtes pas favorable à ce qu'on propose dans BAL 2 et autres, puisque vous voulez aller plus loin. Et intuitivement, moi, j'aurais une réaction un peu inverse en me disant, attention, si on va plus loin, je crois que... on ne va pas forcément dans la bonne direction. C'est une sophistication accrue, c'est donc une opacité accrue. J'ai commencé en disant que j'ai senti ici le même discours que j'ai entendu chez des modélisateurs. Avec eux, j'ai même parlé parfois de scientisme, parce qu'ils avaient cette idée qu'on pouvait évaluer les risques. Les modèles n'étaient pas les bons, mais qu'en progressant, on arriverait à de bons modèles. Je crois que c'est la définition du scientisme. Alors vous, je ne vous ferai pas ce reproche parce que c'était plus habile, mais au fond, on a les mêmes résultats, à savoir des modèles plus compliqués. Voilà ce qu'on propose aux régulateurs. Donc, c'est pas une vraie question, parce que j'ai pas réussi à la... Oui, en fait, je vois bien ce que vous voulez dire. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'une part de bien comprendre comment... au-delà des modèles, une vision du monde. Le brownien, dans ce que j'essaie de dire, ce n'est pas forcément un modèle mathématique, c'est une manière de comprendre les fluctuations. Cette idée de continuisation, de régularité, de gradualité. Et voilà, comment cette vision du monde qui imprègne ceux qui font des modèles a pu avoir ces conséquences catastrophiques. Alors, je peux ajouter un point, c'était mon deuxième point. Jusque-là, je suis très bien, et moi je m'attendais à autre chose. Et je m'attendais par exemple, je connais mal ce concept de performation, mais je m'attendais à des exemples sur le passage à la cotation en continu. Parce qu'on a des modèles dans lesquels il faut des browniens, et bien on est passé à un système de cotation en continu. C'est clair. Et là je crois qu'il y a un formidable exemple de performation. Quand le DAX choisit de diffuser son indice, l'indice phare Dodge Bourse, il choisit de le diffuser à la seconde et se demande s'il ne va pas aller à la milliseconde, là je vois très bien ce que c'est. Je vois très bien ce dont vous parlez. En fait. Ouais. Mais vous n'avez pas pris ce chemin-là. Et donc, Tout à fait, je suis d'accord. C'est un bon exemple. Mais d'ailleurs, on en aurait plus ancien. Je crois Alex Preda fait un très bel article en 2003. Sur le ticker, la bourse de New York, et sur à Paris, c'était le pantélographe pour montrer comment est-ce que la mise en place d'enregistrement avait correspondu à des visions du monde particulières. Il y a eu ces travaux qui ont été faits. Je suis tout à fait d'accord. C'est un exemple de ce qu'une pré-notion de continuisation amène à avoir une mise en place d'un marché particulier. Oui. Et alors après, donc, une fois qu'on a dit ça, ce que vous dites, c'est après, par où on part ? Oui. Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est au fond, à un certain niveau de généralité, cette vision ou non leibnizienne. Quel est l'impact d'une vision du monde sur les tas de choses techniques qui sont après ? Donc quand je parle de modèles qui intégreraient des discontinuités par rapport au brownien, c'est pas dans l'idée de faire un modèle meilleur, plus compliqué ou plus juste, tant que le mot a un sens par rapport au phénomène, c'est plutôt de pouvoir mettre en place une comparaison entre deux modèles dans leurs effets sociaux. Pour essayer de voir si, indépendamment de la notion de vérité d'un modèle ou d'adéquation ou de sa capacité à faire des calculs, la mise en parallèle de deux modèles l'un côté de l'autre permet d'avoir un regard sur l'impact de ces modèles sur quelque chose. Est-ce que un modèle non brownien aurait eu un autre effet et lequel en fait ? Pour essayer de percevoir comment des hypothèses qui paraissent abstraites ont un effet dans les choses. Donc quand je parle de modèle non brownien, c'est pas pour promouvoir des modèles plus fins, c'est pour mesurer comment des changements de modèles se traduisent dans des changements sociaux. Et avec l'idée, encore une fois, que cette vision brownienne me semble intéressante pour son maintien sur une aussi longue durée, c'est-à-dire presque 150 ans maintenant, de Jules Regnault à grosso modo à 2000. Et puis, simultanément, son invalidation par la quasi-totalité des tests statistiques qu'on observe, qui ont été faits depuis 1933, les travaux de Coles, jusqu'aux travaux les plus récents. Non, non, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est pas de dire il y a des modèles qui sont meilleurs, mais comment des modèles ont des effets. C'est, voilà. Alors, quand vous dites que le régulateur doit. Comment pratique, c'est, oui. C'est pas une question que j'aime. Oui, quand oui, ça oui. Commence comme ça, ça oui. Comment pratique le régulateur fait pour réguler les outils techniques et leur contenu? Je prends l'exemple du bilan Fair Value, le bon sens de la mobilité 2, qui résulte de l'initiative de Karel Van Hul, qui a poussé cette idée. Bon, la Fair Value, quelque part, ça nécessite d'avoir une hypothèse d'une cité de prix arbitrée. Donc, quelque part, les prix actuels suivent des martingales de carré intégrable, pour qu'on puisse poser dessus des espérances avec des probabilités dites duales risque neutre. Donc là, recul critique, ce serait de dire, au fond, quand on est tout ça, au fond, qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que l'initiative du prix, par l'arbitrage et les redondances des instruments type options, ça a un sens? Si ça n'en a pas, comment est-ce qu'on fonderait une fair value, puisque l'initiative du prix disparaît après arbitrage? Ce serait une capacité à pouvoir déconstruire les modèles pour voir ce qui joue dans ces modèles. Au fond, là, et c'est là qu'apparaît l'intérêt d'avoir un contre-modèle. C'est clair que dans cet exemple de martingale de carré intégrable, il suffit de changer un brownien par exemple, un processus de Lévy non brownien, et de fait, on n'arrive plus à trouver une initiative de prix, et on aura une fourchette. Donc, ça ne veut pas dire que le non brownien est meilleur, mais de voir à quelles conditions la martingale tient pour fonder la fair value. Je vais un peu comme ça. Ce que j'appelle, en fait, un recul épistémologique. Autre exemple. Dans les questions des benchmarks, par exemple, se dire la fascination pour le portefeuille moyen borné, benchmark c'est une borne, fait penser à la conception de Ketley sur l'homme moyen, qui date de 100 ans plus tôt. D'ailleurs, Sharpe et Ketley, c'est grosso modo 100 ans d'écart, à quelques années près. Est-ce que là, il n'y a pas un questionnement qui pourrait être fait dans la gestion indicielle avec une analyse keitlésienne de ce que Sharp a proposé comme méthode de gestion? Voilà, ça, c'est ça que j'appelle une prise de recul. C'est de retrouver des origines non financières, des prénotions non financières sur des objets financiers. Et après, on se dit, au fond, du Ketley, pourquoi pas? On en veut, on n'en veut pas. Mais après, c'est autre chose, vous voyez. Je vois ça un peu comme ça. Bon, je pourrais pas dire exemple, la value at risk. Pierre Charles a fait un excellent article dont je recommande à tous la lecture sur la value at risk de Condorcet à Bâle 2. Mais voilà, on peut dire cette notion de value at risk, au fond, d'où est-ce qu'elle vient? Condorcet l'a voyé comme ça. Est-ce que c'est applicable aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on pense que c'est utile? La dissocier du calcul de la value at risk qui va être un calcul brownien ou non brownien. Mais déjà, le concept même. Vous voyez, ça, c'est encore un exemple. Alors après, il y a des débats techniques sur le critère de cohérence, de non-cohérence, de Hartzner, tout ce qui a été fait. Après, ça, c'est d'autres choses, vous voyez. Je vois ça un peu comme ça. Mais c'est plus quand même, du coup, là, je le comprends, mais c'est plus aux académiques de le faire plutôt qu'aux régulateurs. C'est notre... Alors en fait, ce que je veux dire, c'est que les régulateurs devraient consulter en fait, des universitaires de différentes disciplines, pas seulement financières ou économiques, mais aussi sociologie, philosophie des sciences, histoire des sciences. Consulter pour pouvoir avoir un éclairage interdisciplinaire. Je prends un exemple dans un ouvrage collectif auquel Jean-Pierre a contribué. Grégory Vanel, qui est un politologue, a fait tout un travail remarquable sur la circulation dans les réseaux internationaux de courants de pensée anglo-saxons qui ont conduit à façonner via le FASB et l'IASB les normes comptables internationales. Oui, une sorte d'expertise radiculaire. Et voilà, l'idée c'est que le régulateur, je pense, devrait consulter des universitaires, mais de manière transdisciplinaire, pas uniquement technique, sur des considérations de calcul de SCR pour Solvency 2, par exemple. Et pour l'instant, voilà, c'est pas encore fait, mais c'est ça que je pensais. Ouais, Frédéric, oui. Je voulais dire un mot de défense et d'illustration du rôle du régulateur et des contrôleurs de risque. Est-ce que on ne peut pas prétendre que, qu'ils ont élargi un peu leur vision et que l'ensemble des stress tests qui sont mis en place sont une réponse pour introduire un petit peu de discontinuité et pour sortir de l'esclavage des modèles? Alors, c'est purement pragmatique, mais on est quand même dans un autre domaine et on est sur une approche qui est justement différenciée. Alors c'est une question un peu technique. Je ne sais pas si tout le monde ici voit de quoi il s'agit, mais je la résume, je la reformule, tu me dis si je la reformule bien. L'idée, c'est de dire, comme on sait que les marchés sont en général pas si calmes que ça, il y aurait des blocs de modèles dans lesquels les marchés seraient définis comme calmes, et on ajoute par-dessus des tests de mise à l'épreuve, stress tests, pour faire apparaître des cassures éventuelles. Alors ça, c'est je reformule un peu comme ça. Bon. Je dirais que c'est mieux que rien. Ce que je veux dire, c'est que dans cette approche-là, je vois ça comme une approche un peu clivée, au sens où, comme dit Greenspan, on est démunis devant ce qui se passe dans les stress tests. Je serais plutôt favorable à une réintégration, s'il le fallait, des cassures de marché dans la dynamique qui les comprendrait dès l'origine. Donc, poser des stress tests en plus de modélisation lisse, pour l'instant, c'est ce qu'on fait. Moi, je vois que ça coûte très cher en fonds propres dans le cas des calculs pour justement BAL 3 solvabilité 2. Est-ce que c'est ou non bien? Je pense que pour l'instant, c'est parce qu'on n'a pas trouvé de manière différente d'intégrer dans les dynamiques des problèmes de cassure de marché. Et en plus, le stress test, je pense, c'est un problème principal, c'est qu'il évacue complètement le risque endogène. C'est pas la vague centennale qui arrive sur une digue et qui percute la digue alors que le maire a fait voter par sa commune une digue décennale. C'est pas exogène. On peut avoir l'effet endogène qui vient de ce que les acteurs eux-mêmes ont produit, quelque chose qui va amener un accident. Donc le stress test s'appuie sur une forme d'exogénéité des accidents. Il ne prend pas en compte la dynamique de création de l'accident. Donc je vois ça un peu comme ça en fait. Mais c'est bon. C'est un peu technique, je ne sais pas si les uns ou les autres, mais bon, enfin, voilà ce que je... Oui, attendez, s'il n'y a pas une autre, parce qu'on ne peut pas monopoliser toujours le même débat. Bon. Oui. Juste une remarque à propos des stress tests. Oui. Qui rejoint, je crois, la remarque de Madame Olive. Vous avez fait la différence qui est très intéressante, entre outils et modèles. Et justement, sur les stress tests, on ne fait pas la différence. Parce qu'en fait, il y a deux causes de stress. Le modèle qu'on utilise n'est absolument pas pertinent par rapport à ce qu'on veut. Et puis, il y a le stress qui est lié à ce qu'on a un outil qui est un modèle, mais qu'on n'utilise pas avec des bonnes données de base correspondant à des réalités possibles ou probables. Et on voit bien que dans les stress tests qui ont été menés sur la zone euro, on n'arrive pas à tester l'idée que un État peut se trouver en grande difficulté, et donc ne pas du tout être capable de rembourser la totalité de sa dette, ou voire même d'en calculer le prix. Je pense que les dynamiques aléatoires devraient inclure des capacités de fracture sans avoir besoin de les mettre par extérieur, par stress test, en fait. Le stress, ça tombe un peu du ciel, en fait, le stress test. Surtout quand on va faire des calculs à 10 ans ou à horizon long terme. Là, c'est encore un débat technique, mais je ne suis pas très favorable au stress test. En fait. En revanche, on peut s'en servir pour inverser le calcul et voir ce que les régulateurs ont en tête comme niveau de risque en faisant à l'envers, en extrayant des formules de calcul les paramètres qui correspondent aux valeurs des stress tests. Mais oui, pour atténuer, parce que je me suis aperçu aux questions, je ne veux pas donner l'impression que les régulateurs sont critiqués de manière directe. Si c'est l'impression de donner, c'est en fait par excès de discours. Je pense que les régulateurs sont confrontés à des problèmes compliqués, et pour en avoir rencontré plusieurs reprises, cette idée d'avoir une consultation des universités me paraît importante. C'est clair que les régulateurs ne peuvent pas tout inventer, et plus il y aura des consultations de disciplines différentes, et meilleur, à mon avis, sera le résultat. Mais je veux pas d'impression que je critique directement le régulateur, même si je pense que les normes européennes actuelles sont dangereuses pour des raisons justement de simplification des approches sur les fonds propres, en fait. C'est... Voilà, je verrais juste ça plutôt en termes de, d'encouragement à consultation. En fait. Bon, merci. La prochaine séance, séminaire dans un mois, nous recevons Christian Schmitt, qui va nous parler de neuroéconomie, à partir de son ouvrage sur Jacob. Et en particulier, peut-on dériver une neuroéthique à partir d'une neuroéconomie? Voilà. Autrement dit, sommes-nous naturellement moraux, pour prendre le titre d'un livre de Vanessa Nurock qui vient de paraître au PUF sur le cerveau social et le sens de la justice. Voilà. Bien, écoutez, merci. Comme d'habitude, le blog du séminaire reprendra les transparents, l'article de la revue financière et puis le podcast. N'hésitez pas à aller le consulter. Et puis, à dans un mois. Voilà.